Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la chute de la 4e République en mai 1958, morte pour certains de son inaptitude à régler la question algérienne, assassinée pour d'autres par des conjurés qui voulaient sa perte. Raconter la fin de cette République, c'est évoquer le retour d'un homme, bien sûr, le général de Gaulle. Opposé au régime parlementaire de la 4e, qu'il appelait méprisant la République des partis, il a eu sa peau après 12 ans de traversée du désert. Selon la légende, le général était revenu en toute légalité, tel un homme providentiel pour sauver une nouvelle fois la France d'un grand péril. La vérité, c'est que la Providence s'est organisée telle une toile tissée à plusieurs mains. Tout s'est déroulé en un peu plus de 3 semaines, du 13 mai 1958 au 1er juin de la même année. 3 semaines où diverses conjurations se sont entrecroisées pour donner à cette République son coup fatal. 3 semaines où des bancs de l'Assemblée nationale à Paris jusqu'au balcon du gouvernement général d'Alger, les militaires ont envahi le champ politique pour tenter de changer l'histoire. 3 semaines pendant lesquelles les Français de métropole furent des témoins, souvent passifs, des événements qui se déroulaient en Algérie, ce département français où depuis 4 années une partie de la population colonisée algérienne se battait pour obtenir son indépendance. Notre invité aujourd'hui, l'historien Michel Vinocq, professeur émérite en histoire contemporaine à Sciences Po, auteur notamment, je dis bien notamment car il a écrit en livre, de l'agonie de la 4e République et de La République se meurt. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacubovies. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. L'histoire de la chute de la 4e République débute le 8 février 1958 à Saket Sidi Youssef, dans un village tunisien situé à la frontière avec l'Algérie. C'était un samedi, jour de marché, les rues étaient bondées et bruyantes. Et puis, vers 11h, un bruit sourd et lointain surgit, recouvrant peu à peu le brouhaha des vendeurs. Certains ont dû lever la tête vers le ciel et voir des bombardiers survoler la ville, puis lâcher leurs bombes. Ce jour-là, 148 personnes sont blessées, plus de 70, dont des enfants, perdent la vie. Les bombardiers sont français. Les cibles sont des indépendantistes algériens qui auraient trouvé refuge dans une mine aux abords de ce village. Une nouvelle fois, la guerre d'Algérie fait la une dans le monde entier. Voilà 4 ans que les indépendantistes algériens du FLN, le Front de Libération Nationale, ont entamé leur combat. 4 ans durant lesquels les différents gouvernements de la jeune 4e République tombent face aux événements, espérant toujours que les armes anéantiront les aspirations d'indépendance. Mais malgré l'envoi de plus en plus de soldats, dont une partie des jeunes Français devenus appelés, malgré la mise en place de zones interdites, l'instauration d'une loi d'état d'urgence, l'attribution de pouvoirs spéciaux en Algérie, la guerre se poursuit. Le drame de Saket Sidi Youssef n'est qu'un épisode supplémentaire pour cette République à bout de souffle. Quelques jours après ce bombardement, l'envers du décor de ce qu'on appelle alors la pacification est dévoilé par un journaliste communiste. Dans cet ouvrage, intitulé « La question », Henri Allègre raconte en détail les tortures qu'il a subies quand il a été arrêté par les parafrançais. Même si le livre est censuré dès sa publication, il est lu et diffusé, ici comme à l'étranger. Si en France, cette guerre ne porte pas de nom, ou en vérité ne veut pas dire son nom, à l'étranger, elle est à la une. Sur le front diplomatique, les gouvernements de la 4e perdent presque toutes les batailles. Les morts de Sidi Youssef installent de nouveau la France sur le banc des accusés. Face aux critiques des puissances internationales, dont les alliés américains, la 4e République sombre dans une crise politique qui pousse le radical Félix Gaillard, président du Conseil et chef du gouvernement, à démissionner le 16 avril. À partir de cette date, une course contre la montre s'engage. En vertu de la Constitution, c'est le président de la République, René Coty, qui a la charge de nommer un nouveau président du Conseil, qui aura pour mission, lui, de former un gouvernement. Semaine après semaine, les refus s'accumulent. Dans le même temps, en Algérie, comme sur le territoire en métropole, les conspirations s'organisent. Finalement, c'est le FLN qui allume l'étincelle qui va faire chavirer Paris et Alger. Le 10 mai, par un communiqué, les indépendantistes algériens annoncent l'exécution de 3 prisonniers français reconnus coupables de torture, de viol et d'assassinat contre la population civile. Trois jours plus tard, le 13 mai à Alger, l'insurrection approche. Français d'Algérie, la grève totale a commencé depuis environ déjà un quart d'heure. Les rues sont désertes, les magasins sont fermés à 100%. Français d'Algérie, tout à l'heure, nous nous retrouverons tous au plateau des Glières, par milliers pour manifester contre toute politique d'abandon et contre tout ministre résident ne représentant pas à Alger un gouvernement de salut public seul capable de sauver. Alors qu'à Paris, le président de la République a enfin trouvé, en la personne de Pierre Pumelin, le futur chef du gouvernement, qui à 15h, ce 13 mai, s'avance à la tribune de l'Assemblée pour obtenir la confiance des députés, des dizaines de milliers d'Algérois se retrouvent, eux, aux abords du monument aux morts d'Alger pour honorer la mémoire des trois prisonniers français. Me voici maintenant dans les jardins qui entourent le monument aux morts. On domine la place noire de monde. Je vois des drapeaux qui s'agitent, des pancartes portées par les délégations qui arrivent sans cesse plus nombreuses. Il est impossible d'évaluer le nombre des gens qui sont rassemblés là. Il y en a peut-être 20 000, peut-être 30 000. Il y a des gens sur tous les balcons, sur toutes les terrasses. Il est actuellement 16h45 et pratiquement la manifestation n'est pas encore commencée. Et toujours, on entend les slogans « Algérie, Algérie française » et de temps à autre, la Marseillaise qui retentit. La manifestation devait se limiter à un hommage, mais à 15h30, soutenu par les cris de la foule, des étudiants mettent à sac le centre culturel américain ainsi que les locaux du journal « L'Alger républicain ». La rue gonfle, se cabre, puis se révolte. Vers 18h, une foule compacte et dense prend d'assaut le gouvernement général, symbole du pouvoir métropolitain. La grille est éventrée, les vitres sont brisées, les archives jetées par la fenêtre. Quand les journalistes de la RTF arrivent sur place, ils découvrent une foule en liesse. Et vers 19h, les généraux Salan à la Rémassu arrivent sur place et tentent de se frayer un chemin pour rejoindre les bureaux du gouvernement général où se trouvent les responsables de l'occupation. Face à la situation et pour éviter un basculement vers un soulèvement armé, le général Massu accepte la demande des insurgés de constituer un comité de salut public dont il prend la tête. En début de soirée, il s'avance sur le balcon. Je suis obligé de protéger mon matériel, de protéger mon micro. Je ne sais comment tout ça va tourner. C'est le général Massu qui a pris la parole à la tribune. Voici la liste des gens, des militaires et des civils. Ils sont chargés de faire exécuter ces consignes. J'étais moi-même, général Massu, désigné comme président de ce comité. Côté du héros de la bataille d'Alger, on trouve des militaires, des activistes de toute obédience, des civils, mais aussi quelques personnalités gaullistes venues de Paris, dont Léon Delbecq. Arrivé la veille, ce proche de Jacques Chaban-Delmas, alors toujours ministre de la Défense, a su se trouver au bon endroit, au bon moment. La Providence, sans doute. Après le soulèvement et la constitution d'un pouvoir dissident, les hommes du comité de salut public décident d'envahir la radio. À 21h30, ils pénètrent dans les locaux de la RTF. Avec sang-froid, le journaliste interroge ses insurgés, maîtres désormais de l'Algérie. Un homme est rentré parmi nous et il est armé. Vous êtes des manifestants ? Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Venez ici, venez nous le dire. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez pénétrer dans les studios ? Vous voulez lancer une proclamation ? Mais nous l'avons déjà annoncé. Oui. L'arrivée de Soutelle n'est pas encore officielle. Nous n'avons pas le droit de l'annoncer tant que nous n'avons pas la certitude de... Il faudrait que vous rendiez, que vous calmiez vos camarades. Ne bougez pas. Monsieur, il y a des résolutions très graves qui viennent d'être prises. Il est normal que tout le peuple, avant de s'endormir, en soit au courant. Il est normal que tous ceux qui ont eu des morts ici en Algérie puissent être informés avant que ceux qui disent bagarrer au gouvernement général pour pouvoir vendre une Algérie française avant que nous soyons complètement tous enculés. Excusez-moi le terme. Les portes de fer ont cédé. Au même moment, à Paris, la République reste stoïque. Certes, les débats ont été suspendus quelques minutes pour que chacun prenne connaissance des faits, mais pas question de suspendre l'investiture du nouveau chef de gouvernement. C'est à 3h15 du matin que Pierre Pfumelin obtient la confiance du Parlement et devient ainsi le 22e président du Conseil de la 4e République. Quelques heures plus tard, à Alger, le général Massu, chef désigné du comité de salut public né de l'insurrection, supplie, je cite, « le général de Gaulle de rompre le silence en vue de la constitution d'un gouvernement de salut public qui seul peut sauver l'Algérie de l'abandon ». Les insurgés d'Alger dessinent le nom de l'homme qui pourrait éviter la rupture, de Gaulle. Mais le général est-il au courant de la présence de ses soutiens à Alger ? Évidemment, de Gaulle a été prévenu, mais à chaque fois, il a toujours préféré laisser faire, sans répudier ni soutenir. Au lendemain du coup de force du 13 mai, il ne change rien à ses habitudes. Comme chaque mercredi, il quitte son domaine de Colombey-les-Deux-Églises, en Haute-Marne, pour rejoindre Paris et ses bureaux de la rue de Solferino. Là, il consulte, rencontre ses conseillers, mais préfère pour l'heure garder le silence face aux événements. Oui, mais Alger, ce silence inquiète. Après l'euphorie, c'est l'incertitude qui imprègne l'esprit des séditieux. Les militaires contrôlent, mais se gardent de prendre toute initiative. Étonnamment, le nouveau gouvernement ne les condamne pas pour avoir pris la tête de ce pouvoir dissident. Pierre Pfumelin espère-t-il que le temps les fasse revenir d'eux-mêmes sous les ordres de la République ? Et puis les condamnés, ne sera-t-il pas les pousser vers l'impensable ? En tout cas, le nouveau chef de gouvernement préfère jouer l'apaisement plutôt que l'épreuve de force. À la radio, Pierre Pfumelin prend la parole dès le 14 et tente de rassurer la population d'Alger sur son souhait de sauvegarder l'Algérie française. Si les militaires sont attentifs, les gaullistes refusent, eux, de baisser la garde. Minutieusement, ils essaient d'accélérer les choses et d'obliger l'armée, tout comme le général, à abattre leurs cartes. Et c'est ainsi que, dans la matinée du 15 mai, Léon Delbecq s'entretient avec le général Salan. Est-il prêt à soutenir de Gaulle ? Oui. Alors, Delbecq le convainc de le dire à la foule, devant les micros, ce qu'il fait. À demi-mot. Mes amis, vive la France ! Vive l'Algérie française ! À 17h30, le général de Gaulle répond à cette ovation. Via un communiqué de presse, il se dit prêt à assumer les pouvoirs de la République. L'information traverse très vite la Méditerranée. Et c'est ainsi que l'influent Léon Delbecq donne lecture des mots du général à la foule rassemblée devant le forum d'Alger. Algérois, Algéroises, je vais vous lire le texte d'un communiqué qui vient de nous paraître. Le général de Gaulle vient de faire une déclaration qu'il a rendu public aujourd'hui. Depuis 12 ans, la France, aux prises avec des problèmes trop rudes pour le régime des partis, est engagée dans un processus désastreux. Naguère, le pays dans ses profondeurs, m'a fait confiance pour le conduire tout entier jusqu'en son salut. Aujourd'hui, devant les épreuves qui montent de nouveau vers lui, qu'il sache que je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République. Après les incertitudes des premières heures, les gaullistes ont su tirer leur épingle du jeu. Alger a désigné par acclamation son sauveur. Il s'agira de Charles de Gaulle ou de personne. Cela suffira-t-il à faire chavirer la métropole dans les bras du général ? Pas encore, car à Paris, la situation est tout autre. Il reste aux gaullistes à convaincre l'opinion et à faire plier le pouvoir. Rappelons qu'à ce moment-là, le général et ses partisans n'ont pas bonne presse. Dans le journal Le Monde, le journaliste Hubert Boeuf-Méry qualifie la réaction du général de « parole malheureuse ». Il explique dans son édito, et je le cite, qu'en parlant comme il l'a fait, le général a multiplié les risques et compromis l'espoir de salut que beaucoup, pressés par la nécessité, voulaient encore mettre en lui. Des jours sombres se préparent, conclut le journaliste. Il le sait d'ailleurs, l'avenir ne peut être qu'incertain et risqué quand il se joue entre un pouvoir dissident aux mains de militaires revanchards et un pouvoir légitime, mais fragile, qui vient d'être nommé. Alors chacun avance ses pions en espérant ne pas trop dévoiler ses lignes de défense ou d'attaque. Le 16 mai, le président du Conseil, Pierre Fumelin, obtient de nouveau la confiance des parlementaires avec l'instauration de l'état d'urgence. Grâce à cela, et pour éviter tout débordement en métropole, son gouvernement interdit tout rassemblement, que ce soit pour soutenir les insurgés ou le gouvernement. Seul, le pouvoir militaire échappe encore à ce gouvernement pire. Le jour même, le général Elie, le chef d'état-major des forces armées, démissionne. De Gaulle l'apprend. Le lendemain, ses proches annoncent la tenue d'une conférence de presse. Va-t-il répondre à l'appel des factieux ou les condamner ? Le 19 mai, jour de la conférence, de Dunkerque à Tamanras 7, tous les Français ont l'oreille collée au transistor pour entendre le général. Mesdames, messieurs, il y aura tantôt 3 années que j'ai le plaisir de vous voir. Lors de notre dernière rencontre, si vous vous en souvenez, je vous avais fait part de mes prévisions et de mes inquiétudes quant au développement probable des événements. Et aussi quant à ma résolution de garder le silence, jusqu'au moment où, en le rompant, je pourrais servir le pays. Voilà 3 ans qu'on n'avait plus entendu sa voix. Sa silhouette s'est un peu épaissie, certes, mais son esprit est toujours vif et tranchant. Le général Durand, pendant la période exceptionnelle que vous souhaitez, est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales ? Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales ? Je les ai rétablies. Et ai-je une seconde à tenter ? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur. Pour l'heure, le général préfère le verbe aux armes, qu'il manie tout aussi bien, peut-être même mieux. Tout au long de cette conférence de presse, il s'efforce de tisser un lien entre son action et la légalité démocratique. Il rappelle qu'il est prêt à assumer les pouvoirs, tout en affirmant qu'ils ne peuvent être que délégués. Au sujet des événements en Algérie, il explique qu'il comprend le soulèvement de la population comme le choix de l'armée de prendre les choses en main pour éviter le désordre. Sont-ils des factieux ? Le gouvernement ne les a pas condamnés. Alors pourquoi, lui, les condamnerait-il ? Et le général conclut son grand oral par ces mots. J'ai cru utile au pays de dire ce que j'ai dit. Maintenant, je vais rentrer dans mon village. Et je m'y tiendrai à la disposition du pays. Mesdames, messieurs, je vous remercie. C'est ce qui s'appelle prendre date. À la fin de cette journée du 19 mai, comme promis, Charles de Gaulle remonte dans sa traction, direction Colombey-les-Deux-Églises. Que doit-il se dire en rentrant ? Jusqu'où lui et ses partisans sont-ils prêts à aller pour prendre le pouvoir ? Nothing can Cinq jours après la conférence de presse, le général de Gaulle est toujours à Colombey, les deux églises attendant encore que la France frappe à sa porte. En Algérie, les comités de salut public se sont multipliés. Les insurgés ont organisé des rassemblements dans toutes les grandes villes du département pour légitimer un peu plus leur prise de pouvoir et sans doute pour se rassurer aussi. Le gouvernement à Paris tient et se laisse du temps pour mettre fin à cette mésaventure. Le 24 mai 1958, au petit matin, un Dakota atterrit à l'aéroport Sainte-Catherine-de-Calvi, à 160 km d'Ajaccio. À son bord, plusieurs Corses, dont le député Pascal Arrighi et des militaires venus d'Algérie. Ils ont pour mission de faire de l'île de Beauté un nouveau département en dissidence. La chose se déroule sans coup de feu, sans blessés. En quelques heures, ils pénètrent dans la préfecture d'Ajaccio, mettent aux arrêts le préfet, puis organisent la célébration devant les micros de journalistes engagés ou réquisitionnés de la radio d'Alger. Ici Tony Arbonin qui vous parle non pas d'Alger, mais d'Ajaccio. En effet, nous sommes arrivés cette nuit dans cette cocotte ville corse pour nous rendre compte aussi de l'enthousiasme qu'avait provoqué la formation du comité de salut public. Nous sommes en ce moment sur la place magnifique où se trouve le monument aux morts et passe près de nous un peloton de parachutistes qui chantent, comme vous l'avez entendu. Ces parachutistes vont prendre position sur cette esplanade où se trouve le monument aux morts et évidemment une foule qui se presse autour de nous. Cette foule qui semble aussi enthousiaste que celle d'Alger, qui bénéficie, il faut le dire aussi, du même soleil et du même décor. En écoutant ce reportage, on pense que comme à Alger, la Corse serait soulevée comme un seul homme. La vérité est plus complexe, car si Ajaccio tombe, à Bastia en revanche la résistance s'organise. Qu'importe. Avec cette prise d'armes relayée par des micros, le comité de salut public d'Alger souhaite mettre à la pression à Paris, ce qui est le cas. Le jour même, Pierre Pfimelin ne cache plus son inquiétude à ses concitoyens. La voix est grave, les mots sont lourds de sens. Dans ces heures d'inquiétude, je sais que beaucoup d'entre vous mettent en doute la valeur de nos institutions. Je sais que de grands changements sont nécessaires, mais ces changements doivent être opérés dans l'ordre et la légalité. Il ne serait pas admissible qu'une fraction de la nation tente d'imposer sa volonté au pays tout entier. Je demande à tous les Français de comprendre, dans la métropole et en Algérie, que la nation risquerait d'être cruellement divisée si nous ne demeurions pas tous unis dans le respect des lois de la République. Face à la situation, Jules Moch, le ministre de l'Intérieur, prépare un plan pour réintégrer la Corse sous l'autorité de l'État par la force. Pfimelin réfléchit, puis préfère la sécession de la Corse au risque d'une guerre civile. Ainsi, l'État de droit s'incline. Jour après jour, les derniers obstacles au retour du général tombent, l'un après l'autre. D'abord, c'est l'union des partis qui va s'effriter. Solidaires et unis depuis le début de la crise, les forces de gauche n'ont pas su parler d'une seule voix, construire une sorte de nouveau front populaire face aux militaires. Non, ils se sont interdits la rue en votant l'état d'urgence et n'ont pu appeler les Français à manifester leur soutien à la République. Au sein du bloc des gauches, c'est le socialiste Guy Mollet, vice-président du Conseil, qui fait basculer la situation en écrivant directement au général. Il lui indique ses craintes, mais reconnaît qu'il est sans doute le seul à pouvoir éviter la guerre civile. Désiré, contacté, de Gaulle fait le même et invite Pierre Fumelin à le rencontrer. Et le président du Conseil, bien sûr, ne peut qu'accepter. La rencontre se déroule en direct durant la nuit du 26 au 27 aux abords de Saint-Cloud. À minuit, les deux hommes sont en effet face à face. Oh, l'entretien est courtois, mais succinct. Fimelin souhaite que le général désavoue les hommes d'Ajaccio. De Gaulle refuse, sauf si le régime le charge d'arbitrer les négociations. Elles sont là, pour l'heure, dans l'impasse. Pour le président du Conseil, il ne s'agit que d'un premier round, du moins, le pense-t-il. Le lendemain, une missive signée du général est lue sur les antennes de la RTF. Je m'excuse de vous interrompre, mais l'agence France Presse nous communique à l'instant le texte d'une communication du général de Gaulle. Le voici. J'ai entamé hier le processus régulier nécessaire à l'établissement d'un gouvernement républicain capable d'assurer l'unité et l'indépendance du pays. Je compte que ce processus va se poursuivre et que le pays fera voir par son calme et sa dignité qu'il souhaite le voir aboutir. Et le communiqué se conclut par ces mots. Dans ces conditions, toute action, de quelque côté qu'elle vienne, qui met en cause l'ordre public, risque d'avoir de graves conséquences. Tout en faisant la part des circonstances, je ne saurais l'approuver. J'attends des forces terrestres, navales et aériennes présentes en Algérie qu'elles demeurent exemplaires sous les ordres de leur chef, le général Salan, l'amiral Obuano, le général Jouot. À ces chefs, j'exprime ma confiance et mon intention de prendre incessamment contact avec eux. À quoi joue de Gaulle ? Historien et témoin s'interrogent toujours sur ce coup de bluff du général. Voulait-il une nouvelle fois prendre la main sur le gouvernement en place, ou était-ce un moyen de contrer l'impatience de ses partisans? Car la prise de la Corse n'était en réalité qu'une étape, une étape d'une opération plus vaste intitulée « Résurrection » qui avait pour but l'invasion de la métropole par les militaires d'Alger et donc l'installation par la force du général de Gaulle au pouvoir. Dans l'esprit de ce dernier, cette opération n'était qu'une épée de Damoclès sur les gouvernants de la 4e République. Ce 28 mai, à Alger, les généraux se préparent à toutes les éventualités. Au même moment, à Paris, les défenseurs de la République investissent enfin les rues de la capitale. Étudiants, salariés, professeurs, comme ouvriers, cloîtrés jusqu'alors dans leurs appartements, leurs amphis ou leurs ateliers, répondent aux insurgés d'Alger et leurs partisans. Ils sont presque 200 000 personnes à défiler entre Nation et la République en criant ces slogans. Le fascisme ne passera pas. Car la crainte était grande pour ces manifestants de voir l'État entre les mains d'un général dans un contexte de guerre et de chaos. Certes, il était l'homme de la France libre, mais pouvait-il être l'homme de la paix en Algérie, de la fin des appelés, du refus de la torture? Ils ne le savent pas, mais en coulisses, jusqu'aux dernières marches qui vont le conduire à l'Élysée, le général se refuse d'abandonner l'opération Résurrection. Le 29 mai, son chef de cabinet, Olivier Guichard, prévient même Salan de se tenir prêt. Finalement, ni l'Élysée ni l'Assemblée ne seront pris par les militaires d'Alger. Ce 29 mai, René Coty, président de la République, décide d'appeler officiellement le général de Gaulle au pouvoir. Dans une longue lettre lue à l'Assemblée, il explique les raisons de ce choix. Dans le péril de la patrie et de la République, je me suis tourné vers le plus illustre des Français, vers celui qui, aux années les plus sombres de notre histoire, fut notre chef pour la reconquête de la liberté et qui, ayant réalisé autour de lui l'unanimité nationale, refusa la dictature pour établir la République. À quelles conditions accepterait-il d'assurer la charge accablante du pouvoir? Ces conditions permettraient-elles d'escompter pour son investiture la majorité nécessaire? J'ai demandé à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et à Monsieur le Président du Conseil de la République, que je remercie de leur précieux concours, de bien vouloir s'en entretenir d'urgence avec le général de Gaulle. Cet entretien m'a révélé qu'en l'état, il reste à surmonter des difficultés considérables. Dois-je donc renoncer à faire appel à celui dont l'incomparable autorité morale assurerait le salut de la patrie et de la République? En un pareil jour, l'union sacrée est le devoir suprême. Elle nous commande à tous d'y sacrifier, s'il le faut, une part de nos préférences et même de nos convictions. Représentants de la nation, le destin de ce peuple est en vos mains. Chacun de vous, avec sang-froid et dans la dignité, arrêtera le moment venu ses résolutions pour que vive la France et que vive la République. Se tourner vers le plus illustre des Français. Les communistes ont préféré s'asseoir, suivis par certains députés socialistes. Une heure plus tard, le général quitte Colombey, direction Paris. Il s'arrête dans ses bureaux de la rue de Solferino, puis rejoint l'Élysée à l'abri des regards. Soutenu par le président, il lui reste à convaincre une majorité de parlementaires de lui accorder la confiance, les pleins pouvoirs qu'il demande, comme son souhait de changer la Constitution. Dans cette quête, il reçoit le soutien de Guy Mollet et de Vincent Auriol, qui lui offre cette majorité tant souhaitée. Le dimanche 1er juin 1958, le général, en costume civil, s'installe sur les bancs de l'hémicycle, puis s'avance à la tribune. Dans un silence de funérailles, il lit sa déclaration d'investiture, sans emphase, sans éclat. D'ailleurs, tout a déjà été dit, expliqué, analysé. Les députés connaissent ses critiques à l'encontre de la Constitution comme les grandes lignes de celles qu'il veut faire naître. À la fin de son intervention, le général quitte l'hémicycle, puis attend serein les résultats du vote. 329 députés contre 224 lui accordent la confiance. Charles de Gaulle devient ainsi le dernier président du Conseil de la 4e République. Le lendemain, il obtient les pleins pouvoirs ainsi que la charge de préparer un projet de nouvelle Constitution. Après avoir été approuvé par référendum le 4 octobre 1958, la 5e République est promulguée, la 4e est enterrée. Soixante ans après, nous sommes toujours les héritiers de ce régime né du coup de force de militaires, d'insurgés, du plus illustre des Français. Un régime où l'exécutif semble toujours plus fort au fil des jours jusqu'à aujourd'hui, comme pour faire oublier peut-être cette 4e République parlementaire accusée à tort ou à raison de tous les maux. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, fin de la 4e République, début de la 5e République, coup de force d'Alger, tout cela en même temps fait partie évidemment de la même histoire que nous allons commenter avec l'historien Michel Vinocq. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à Sciences Po. Ça veut dire que si vous n'y enseignez plus, vous êtes resté de référence. Ça veut dire ça, émérite. Auteur notamment de L'agonie de la 4e République, c'est un livre, mais aussi de La République se meurt, c'est un autre livre où vous évoquez vos souvenirs d'étudiants à Paris lors des ces années de troubles. Nous y reviendrons. Alors tous les gens qui sont passés par Sciences Po ont dû lire, avec plaisir, beaucoup parfois, un peu moins parfois, du Vinocq, fortement, comme on a lu de la Zema. C'est voilà. Obligatoire. Voilà, donc on va commenter tout cela. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être évoquer ensemble cette 4e République, ce régime trop souvent mal aimé, voué aux gémonies, je le disais tout à l'heure, à tort ou à raison. Quelles étaient ses forces à cette 5e République et ses faiblesses? Sa 4e, les forces et les faiblesses. La force, c'est probablement le bon état de l'économie, puisque pendant ces années-là, c'était le plein emploi, la croissance, et que, du reste, la crise du 13 mai 58 n'a absolument pas d'origine, de racine économique et sociale. C'est une crise purement politique. Donc, la 4e République peut se défendre en disant, mais voyez, nous avons bien gouverné, n'est-ce pas, l'État de la France. Mais malheureusement, politiquement, ça ne marchait pas. Parce que quand on a un régime dont les gouvernements ne durent pas plus que 7 ou 8 mois, et parfois, c'est une moyenne, parce que parfois, oui, ils pouvaient durer un mois, 6 semaines... Mmh. C'est évidemment une faiblesse considérable, d'autant que la France est affrontée à un problème qui est un problème planétaire, mais dont elle s'est mal tirée, qui est le problème de la décolonisation. Elle s'est embourbée dans l'Indochine, dans la guerre d'Indochine. Mais France en est sortie quand même honorablement. Oui, tout à fait. Mais et après, c'est embourbée. Mais ça a duré des années et des années. Mmh. Et l'armée, parce qu'il faut tout de suite parler de l'armée à propos du 13 mai, s'est juré, après avoir été chassée d'Indochine, qu'en Algérie, elle resterait, et que l'Algérie resterait française. Donc l'armée a prêté, les cadres de l'armée ont prêté serment, n'est-ce pas, de rester en Algérie. Et le grand problème du 13 mai 58, c'est évidemment le rôle de l'armée. Depuis le coup d'État de Louis Bonaparte, qui date de 1851, 2 décembre 1851, l'armée était devenue donc la grande muette qui n'intervient pas dans le domaine politique. Or, pour la première fois, par conséquent, depuis plus de 100 ans, voilà une armée qui va soutenir la rébellion d'Alger. Ça veut dire que c'est une crise de régime, parce que l'armée grande muette, aux ordres du pouvoir civil, c'est l'un des piliers d'une démocratie, on est bien d'accord? Exactement. Bon, donc là, on est bien en crise de régime. Une crise de régime évidente à partir du moment où Massu fait sa déclaration, après avoir intégré le comité de salut public d'Alger, et en exigeant, rendez-vous compte, de la France, du gouvernement français, n'est-ce pas, du Parlement français, de mettre sur pied un gouvernement de salut public. On n'a jamais vu cela. On a l'air sur eau, c'est-à-dire que c'est les militaires qui prennent le pas dans la hiérarchie sur le pouvoir civil. Exactement. Donc ça, c'est le premier facteur, je dirais, de la crise. Le deuxième facteur, c'est qu'en face de ce danger, il y avait tout de même, dans l'histoire de la République, un réflexe qu'on appelle la défense républicaine. Ça date de l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire que, devant le danger imminent d'une subversion, il y a l'union de tous les républicains, quel que soit leur drapeau, pour maintenir, pour défendre le régime en place. Or, ça ne marche pas. En 58, pourquoi ? Parce que le principal, le plus grand parti français, c'est le Parti communiste, et que celui-ci est marginalisé. Auto-marginalisé, si on veut, mais en tout cas marginalisé. Mais le résultat est le même. C'est que nous sommes en pleine guerre froide, que 2 ans auparavant, on a vu l'Union soviétique briser avec ses chars l'insurrection de Budapest, et que la gauche non communiste ne veut en aucun cas s'allier au Parti communiste. Alors, qu'est-ce qui reste pour défendre le régime ? Fimelin lui-même, une fois investi, dira « Je me bats sur 2 fronts ». C'est-à-dire qu'il disait « Je me bats contre, évidemment, la rébellion et je me bats aussi contre la subversion communiste possible ». En fait, les communistes, à ce moment-là, ne veulent absolument pas prendre le pouvoir. Ils veulent défendre, effectivement, le régime. La preuve, c'est qu'ils vont voter, soutenir le gouvernement Fimelin jusqu'au bout. Donc, la défense républicaine, on l'a vu rejouer en 1936, par exemple, au moment du Front populaire. Cette défense républicaine est impossible en raison du poids, de la force, de la puissance et de la marginalisation du Parti communiste. Alors ça montre à quel point la déclaration de Général de Gaulle, qui sous des traits un peu humoristiques dit « Comment voulez-vous qu'à 67 ans je commence une carrière de dictateur ?» Elle est énorme parce qu'il aurait pu le faire, il aurait pu ramasser le fruit. Est-ce qu'il aurait pu ramasser le fruit tombé de l'arbre, le Général de Gaulle ? C'est-à-dire arriver et mettre un pouvoir fort, qui ne soit pas démocratique. Oui, mais De Gaulle, n'est pas franco. De Gaulle, ne l'oublions pas, était le chef de la France libre. Et dans sa conférence du 19 mai, il dit bien, c'est moi qui ai restitué la liberté en France, les libertés fondamentales en France. Et c'est vrai. Absolument. Donc, lorsque il a été battu à ce moment-là, puisque l'Assemblée constituante a refusé ses propositions d'institution, il a démissionné en janvier 46 et il a tenté de faire autre chose en 47 en créant un grand mouvement, un grand rassemblement, le RPF, et qui a eu un succès considérable dans l'immédiat. Mais comme il n'y avait pas d'élection législative à l'horizon, ça s'est délité complètement et ça a été un deuxième échec. Et voilà que pour la troisième fois, et cette fois ça va marcher, de manière tout à fait inattendue au fond, imprévisible. Imprévisible ou prévisible, parce que... Un peu des deux quand même. Un peu des deux, oui, parce que la 4ème République n'y arrivait pas, elle est dans l'impasse, elle est complètement enlisée dans cette guerre d'Algérie. Elle craint l'armée, mais elle n'a pas de solution. Guy Mollet avait évoqué la possibilité d'une consultation générale, mais les rebelles, le FLN ne veut absolument pas d'élection, il veut avant l'action. Tout qu'on lui reconnaisse le droit d'indépendance. Donc c'est une impasse totale. Ajoutons à cela que il y a la question de l'opinion. La question de l'opinion, c'est que, vous l'avez dit, la 4ème est mal aimée. Elle est mal aimée parce que elle n'est pas forte. Elle donne l'image, justement, d'une faiblesse continue. Et par conséquent, on n'a pas tellement envie de défendre ce régime. Et même, il y a des gens d'extrême gauche. Je pense à un article de Jean-Paul Sartre, n'est-ce pas, qui dit évidemment, qui est contre la rébellion, qui veut défendre la démocratie. Mais il dit, en gros, vous vous rendez compte, on va donc défiler dans la rue pour défendre qui? Guy Mollet, qui fait la guerre en Algérie? Max Lejeune? Robert Lacoste? Donc, même la gauche, si vous voulez, la gauche intellectuelle, la gauche anticolonialiste est très embarrassée. Néanmoins, bon, on s'alliera avec qui on s'alliera. Et surtout, il faut s'allier avec le Parti communiste, puisque c'est le Parti communiste qui a les militants qu'il faut, la force, la structure, etc. Et il y en a un parmi les socialistes qui est prêt à tout. Et c'est un peu inattendu, parce que il a longtemps passé pour le roi, si je puis dire, des anticommunistes, c'est Jules Moc. Ouais, Jules Moc. Mise intérieure. Et oui, mise intérieure, qui a brisé les grèves, n'est-ce pas, en 1947, qui a instauré les CRS, etc. Et lui est tout à fait prêt à se battre avec les communistes contre la rébellion d'Alger. Mais certainement pas Guy Mollet et certainement pas Pierre Fumelin. Alors, ce pauvre Pierre Fumelin, alors quand je dis ce pauvre, il y a beaucoup de respect dans ce pauvre, mais enfin, il se retrouve dans une situation vraiment difficile. Il est appelé à répondre à la question suivante: faut-il utiliser les armes contre les insurgés? Et vous allez entendre ce qu'il en pense lui-même, extrait du documentaire Pierre Fumelin d'une république à l'autre, réalisé par Bernard Courte et coproduit par Eural Film Production, documentaire qui date de 1990. Lorsque on en arrive au niveau du drame, alors on est seul avec sa conscience, n'est-ce pas? Mais ça a été un drame, mais pas une tragédie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu véritablement de fusillade. Et la tragédie, elle a eu lieu peut-être au 12 avril, après, deux ans après. Est-ce que vous avez cru à un moment qu'il faudrait que vous donniez l'ordre de tirer ou d'avoir un acte de gouvernement? La question m'a été posée par le préfet d'Oran. Je lui ai interdit de tirer. Est-ce qu'on n'entend pas la voix, là, d'un démocrate qui ne veut en aucun cas qu'il y ait la violence dans la rue, quelque chose qui ressemble à dictature? Est-ce que là, n'est pas tout l'honneur de la démocratie, là, dans ce qu'on entend? Je ne sais pas, parce que la démocratie doit savoir se défendre. Ouais. Et par conséquent, affronter l'adversité et l'ennemi. En l'occurrence, il y a eu une fiction dans toute cette histoire. Pierre Fumelin, dès le début, a donné à Salan, c'est-à-dire au chef supérieur de l'armée en Algérie, le pouvoir, a maintenu leur pouvoir, y compris les pouvoirs spéciaux, qu'il a fait revoter. Donc d'un côté, il luttait contre la rébellion, qui était largement soutenue par les militaires, et d'un autre côté, il reconnaissait aux chefs militaires la légalité. Et Salan se trouvait dans une situation d'une ambivalence total. Et lui avait rallié complètement l'idée à la fois de l'Algérie française et l'idée d'un gouvernement de salut public, c'est-à-dire qu'il était dans une illégalité totale. Mais non, puisque il était reconnu légalement par Pierre Fumelin et son gouvernement. Vous voyez cette espèce de jeu là, de ruse qui n'en était pas une, qui était au fond une fuite en avant vers je ne sais quelle solution. C'était insoluble. Et dans cette affaire, il y a un homme qui a joué un rôle important, outre le général de Gaulle, évidemment, c'est René Coty. Dernier président de la 4e République. Exactement. Comprenez, pour un président, vous savez, un peu falot, vous savez, c'est président de la... Ouais. Comme dans la 3e... C'est un peu le Mattarella italien. À un moment, le Mattarella... Et là, il arrive et dit, bon, j'ai des pouvoirs, je vais m'en servir. Et voilà. Alors... il va solliciter de Gaulle. Bon, ça, c'est pas trop difficile, mais il sait que quand il le sollicite, de Gaulle a encore une majorité contre lui. Contre lui. Et c'est alors que se prépare l'opération résurrection, c'est-à-dire le putsch. Exactement. Eh bien, il va, je dirais, couper l'herbe sous les pieds des putschistes en écrivant cette lettre au Parlement, et en leur disant, en gros, si vous n'investissez pas de Gaulle, moi, je démissionne. Ça veut dire qu'il avait un sens politique aigu. Remarquable. Ce haut normand. Il était normand. Oui, remarquable. Ouais. Parce que, en plus, il a voulu respecter les institutions jusqu'au bout. Il a soutenu Fumelin comme Fumelin était en place. Mais après que Fumelin eut démissionné, il s'est dit, la seule solution, c'est de Gaulle, je l'appelle, et dans son fort intérieur, il se disait sans doute, je vais y arriver. Alors, on a dit dans l'introduction, l'homme providentiel, tout ça, la légende. Bon, enfin, il avait son cheval, ses chevaux de Troie, le général de Gaulle, au sein de la 4e République. Je pense à Chaband, notamment, je pense à Neuwirth, qui ont eu un rôle très important. Très important, et en particulier Léon Delbecq. Et Léon Delbecq, qu'on a cité plusieurs fois dans le récit, voilà. J'aurais dû commencer par lui, vous avez raison. Voilà, vous avez à Paris une petite cellule dont le président est Michel Debré, et autour de Michel Debré, donc Olivier Guichard, Focard, qui eux veulent le retour du général au pouvoir. Bah, ce sera tous les grands ministres du début de la 5e, hein, d'ailleurs. Voilà. Et ils ont en Algérie une antenne qui est Léon Delbecq. Léon Delbecq qui a été placé en Algérie par Chaban-Delmas du temps où il était ministre de la Défense. Oui. Et Léon Delbecq a un travail à faire qui est de préparer l'opinion algérienne, ou plus exactement des Français d'Algérie, de l'armée, au retour du général de Gaulle. Et ce retour du général de Gaulle, c'est pas joué d'avance, parce que là-bas, on n'est pas gaulliste. Qu'est-ce qu'il y a de vrai gaulliste dans l'état-major ? Il y en a un, le général Massu, mais certainement pas Salant, et certainement pas les autres qui lui reprochent très souvent son action de 40-44. Enfin, Salant, on le verra plus tard, d'ailleurs. Alors, il le prouvera plus tard. Ah ben oui, ça, d'accord. Ah oui, il fait quand même partie des quatre. Effectivement. Et donc, Delbecq a fait un travail d'agitateur, d'intrigue, de manipulateur extraordinaire. Il a convaincu, n'est-ce pas, Salant, qu'il fallait appeler de Gaulle. Et alors, il y a là cette scène extraordinaire du 15 mai, au balcon là, du Forum d'Alger, quand Salan, n'est-ce pas, fait son grand discours, et qu'il termine par « Vive l'Algérie française », et il a oublié de dire « Vive de Gaulle », alors que Léon Delbecq l'avait convaincu un peu auparavant qu'il fallait crier « Vive de Gaulle ». Et c'est Delbecq qui est derrière, qui lui souffle à l'oreille « Criez « Vive de Gaulle, vive de Gaulle !» Et Salan va dire « Vive de Gaulle !» Et ça y est, on a trouvé une solution, ça y est. Parce qu'à partir du moment où la rébellion, avec l'appui des militaires, s'enlisait un peu dans l'incertitude. La métropole était leur adversaire, presque les 4/5 du Parlement étaient contre. Qu'est-ce qu'on allait faire ? Le 14, on interview Massu, qui se dit un petit peu vague, qui ne sait pas où on va. Le 15, ça y est. Et alors, aussitôt, nous entendons le communiqué du général de Gaulle, le même 15 mai, et qui dit « Je suis prêt. Je suis prêt à prendre en charge les destins de la République. » Alors, on connaît la suite. Ce sera le destin de la Nouvelle République, cette fameuse 5e République dans laquelle nous vivons, et qui a 60 ans maintenant. Est-ce que vous pensez qu'elle a assez évolué, cette 5e République, qui a été mise en place, on le voit bien, sur une crise de régime ? 60 ans après, nous ne sommes pas dans une crise de régime. Est-ce qu'elle a besoin d'être un peu ripollinée pour être plus en adéquation avec la période d'aujourd'hui ? Certainement. Remarquez que elle n'est plus exactement aujourd'hui celle qui a été écrite et votée en 58 et 62. Oui, des évolutions en 60 ans, il y a eu un certain nombre d'amendements, ne serait-ce que le quinquennat, n'est-ce pas ? Mais il est certain que nous sommes passés d'un excès à l'autre. L'excès. Un excès de pouvoir exécutif par rapport à celui qu'il n'avait pas avant. Ben voilà. Donc pardon de vous bousculer, non. Michel. Je suis vraiment désolé, mais il reste que 10 secondes, vous connaissez la radio. Donc faut arrêter là. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs ? Certainement. C'est une question d'équilibre des pouvoirs. Je D'accord. crois. Merci infiniment, Michel Vinocq. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la fin de la 4e République, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Rémi Sistiaga qui était à la technique aujourd'hui.